Chapitre 21. Laquelle ? Jim, avec le visage d'un condamné à mort, descendit l'escalier de l'hôtel. Il était 10h05. Maya, suspendue à son bras, cherchait son regard, mais il le détournait obstinément. Tout à coup, son cœur bondit. Dans le hall, une femme venait à sa rencontre. Des mèches blondes sortaient de sous son petit chapeau. C'était May Smith. Maya soudain quitta son bras et d'une allure d'automate avança vers elle. Les deux femmes s'arrêtèrent et se regardèrent en silence. Jim, spectateur muet, se sentait pris de vertige. Face à face, May 1 et May 2. May la blonde et May la brune. Si étrangement semblables et si singulièrement différente. « Mais, » dit-il d'une voix frémissante, deux paires d'yeux bleus se tournèrent vers lui. « Asseyons-nous, » dit-il, s'efforçant de parler calmement. Il indiqua un divan. Les deux mets s'assirent à sa droite et à sa gauche. Elles continuaient de se regarder avec de grands yeux effarouchés. Elles avaient évidemment peur l'une de l'autre. « Avant tout, dit-il, expliquez-moi, May, ce qui vous est arrivé. » May Smith passa la main sur son front. « Vous vous rappelez la lettre que vous avez écrite, Jim, la lettre de Fouras. Elle est arrivée à Guildford le matin, il y a quelques jours. J'ai prié Joe de prendre des mesures tout de suite, mais il m'a dit qu'il s'en occuperait le lendemain. Cela m'a peiné, car j'aurais voulu vous venir en aide le plus tôt possible. » À vous et... » Elle hésita. Et à mademoiselle. Mais Joe devait assister ce jour-là à l'apposition des scellés chez Lady Gwendolyn Hornsby. Il m'a demandé de l'accompagner pour soutenir cette pauvre lady. Nous sommes partis en voiture avec Jenkins. C'est Lewis qui conduisait. Tout à coup, il a quitté la route de Godalming et, malgré tout ce que lui criait Jenkins, il s'est mis à rouler très vite, on ne savait où. Puis il a stoppé. Il y avait une grande voiture sur la route et des hommes devant. Ils se sont jetés sur nous ont ligotés, transportés dans leur voiture et emmenés vers une destination inconnue. En route, on m'a mis sur le visage un mouchoir qui dégageait une odeur très forte et je crois que j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais dans une cabine de paquebot. Une violente courbature me faisait souffrir. De nouveau, on me plaqua un mouchoir sous le nez. Je n'ai rouvert les yeux que dans une chambre inconnue. Une femme est venue m'apporter à manger et n'a pas voulu me parler. J'y suis resté 2 jours. Enfin, ce matin, la femme est entrée. Elle m'a bandé les yeux et m'a dit de la suivre. On m'a conduite par des couloirs et des escaliers. Puis, j'ai senti l'air. On m'a fait monter en voiture en me disant « En route, vous pouvez enlever votre bandeau. Vous êtes à Paris. Un taxi vous conduira rue Saint-Honoré, à l'hôtel d'Oxford et Cambridge, où vous retrouverez Jim Joy. Il vous attend. Je suis heureuse de vous voir sain et sauf, Jim. Mais où est mon mari? Qu'ont-ils fait de lui ?» Jim baissa la tête. Il y eut un long silence. Enfin, il dit « Mais il faut être très forte, très courageuse. Je suis obligée de vous porter un coup terrible. » « Il est mort ? » s'exclama-t-elle. « Pire. » Elle le regarda sans comprendre, avec des yeux pleins de terreur. « Mais, dit-il, rappelez-vous que Jonathan vous a parlé fréquemment depuis votre mariage du collier de votre tante. Cependant, il nous a affirmé à Monsieur Price et à moi, qu'il ignorait son existence avant les révélations de ces derniers jours. Rappelez-vous que Miss Esther Bell est allée lui déclarer qu'elle était décidée à lever le voile du mystère dont s'entourait Miss Sarah Smith. Le même jour, Miss Bell a été assassinée. Rappelez-vous que l'énigmatique Jacob n'a pas reparu au 31 Queen's Road. Quelqu'un l'a averti. Mais qui ? « Rappelez-vous que la nuit où j'ai pu m'échapper de chez Erga, Jonathan y est venu sans que je lui ai donné l'adresse. Rappelez-vous qu'après m'avoir pris pour Zerga, il ne m'a pas laissé m'expliquer. Cependant, il est à peu près certain qu'il avait pu reconnaître ma voix. Mais il m'a fait immédiatement assommer par Jenkins. Tout de suite après, Zerga s'est échappé et on m'a jeté dans une cellule au bureau de police de Guildford. J'avais des papiers importants dans mes poches. Le lendemain, mes poches étaient vides. Et enfin, dernière preuve, les bandits ne savaient pas que nous nous trouvions à Fouras. Nous étions en sûreté. Mais dès que Jonathan Smith a reçu ma lettre, ils l'ont su. Mais le regardait pétrifié. « Vous voulez dire, balbutia-t-elle, vous voulez dire que Jonathan, mon mari ?» Jim baissa tristement la tête. « Oui, mais que Jonathan, mon frère et votre mari, est un criminel. Plût à Dieu que je sois dans l'erreur, mais l'enchaînement mathématique des faits me le prouve avec une logique implacable. » Mais prit sa tête entre ses mains. « C'est impossible, impossible !»« Je serais heureux d'avoir fait une erreur monstrueuse, mais il était de mon devoir de vous préparer. S'il vous a épousé, c'est peut-être pour parer à toute éventualité si on avait retrouvé le collier en sa possession. Vous, sa femme, l'héritière légitime du joyau, pouviez en justifier la provenance. » Mais poussa un cri. « Alors, ce serait lui qui... » « Qui a tué Miss Lake. Oui, May. Bien des choses restent un mystère pour moi. Mais je ne puis que constater les faits. Il a dû profiter de tous les avantages de sa situation officielle pour conduire dans l'ombre ses diaboliques complots. En même temps, il affectait une candeur et une loyauté quelque peu pompeuses qui nous donnaient le change à tous. Maintenant, en voyant ses complices poursuivis, et lui-même sur le point d'être découvert, il a jugé utile de me supprimer, dit May d'une voix blanche. Mais alors, pourquoi m'a-t-on rendu la liberté? Parce que... Jim hésita. Parce que Jonathan, Zerga et leur bande tiennent à cette pauvre fille qu'ils exploitent pour leur fin abominable. Pourquoi y tiennent-ils tant? Autre mystère. Quoi qu'il en soit, ils m'ont fait savoir que vous étiez entre leurs mains et qu'ils vous rendraient la liberté à condition... À condition, termina Jim très bas, de leur rendre Maya. Il y eut un long silence. May avait caché sa tête dans ses mains. « Mon enfant, ma pauvre enfant, » dit Jim accablé, « qu'allez-vous faire? Qu'allons-nous faire tous ?» « Ils m'ont ordonné de la laisser ici, sinon ils menacent de vous tuer. » Il se leva. Maya, qui jusque-là avait écouté en silence, s'accrocha tout à coup à lui. « Ne me laissez pas seul, Jim. Vous ne m'abandonnerez pas. Vous avez promis de me sauver. » May se leva à son tour. Une décision soudaine était inscrite sur son visage rigide. « Vous la sauverez, Jim, » dit-elle. Il faut que vous la sauviez. Et vous? Moi, je ne compte pas. Ma vie est finie. Si je meurs, tant mieux. Avant que Jim ait pu la retenir, elle fit quelques pas et appela. Chasseur! Le chasseur accourut. Appelez un agent. Amenez-le ici, vite. Mais, que faites-vous? S'écria Jim, saisi d'angoisse. Ils m'ont prévenu que si nous avertissions la police, ils vous tueraient. » Il voulut s'élancer à la suite du chasseur, mais elle le retint de toutes ses forces. Déjà, deux agents entraient. « Ils étaient devant l'hôtel, » dit le chasseur. Avec la force du désespoir, May déclara aux agents. « Nous sommes en danger de mort. Des bandits nous poursuivent. Sauvez-nous. » « Ne craignez rien, » déclara le plus âgé des policiers. Vous êtes désormais sous la protection de la police. Je vous emmènerai au commissariat pour éclaircir votre affaire. Chasseur, un taxi. » Encadrés par les agents, ils sortirent de l'hôtel et montèrent dans l'auto. Les policiers les firent asseoir dans le fond et prirent place en face d'eux. « On nous suit sûrement, » dit Jim d'une voix rauque. « Ils sont capables de tout. Pour l'amour de Dieu, sauvez les femmes. »« Ne craignez rien, » répéta l'agent. « Avez-vous un revolver ?» Jim tira son arme. L'agent la lui prit des mains, l'examina, et tout à coup, se jetant sur lui, lui fourra un baillon dans la bouche. Son compagnon, pendant ce temps, avait immobilisé May et Maya, à moitié évanouis. Jim, fou de rage impuissante, n'aurait pu dire combien dura la course dans Paris. Enfin, la voiture stoppa. Les prétendus agents descendirent, ainsi que le chauffeur. Les trois hommes firent sortir Jim et les deux femmes de l'auto et les traînèrent à leur suite, comme des paquets, jusqu'à une maison située dans un terrain vague. La porte s'ouvrit. Zerga était sur le seuil. Les criminels et leurs victimes allaient disparaître dans le gouffre noir de la maison. Soudain, un coup de sifflet strident retentit. De toutes parts surgirent des agents. En un clin d'œil, la maison cernée fut envahie. Des cris, des hurlements, des coups de feu se succédèrent dans un chaos indescriptible. Puis, tout à coup, le silence. Et une voix d'acier ordonna. « Tout le monde dans la pièce à droite, des sentinelles à toutes les portes. Déliez les prisonniers. » Un agent se pencha sur Jim, défit ses liens, l'aida à se relever et le poussa dans la pièce à droite de l'antichambre. Elle était pleine de monde. La première personne sur qui tomba le regard de Jim fut l'inspecteur Leeds de Scotland Yard. Encore étourdi et chancelant, Jim fit quelques pas vers lui. « Mon Dieu » s'écria-t-il du fond du cœur, « que je suis heureux de vous voir !»